إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد. On continue à lecture la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid du Sheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, une explication du Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on avait entamé le chapitre de ce qui est rapporté sur ceux qui renient le qadar. C'était bien ça ? On avait expliqué le hadith de Abdullah ibn Umar et le athar de Ubada ibn Samit radiyallahu anhu lorsqu'il s'est adressé à son fils. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه في الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دي إذن المسند تدير المسند الإمام أحمد إذن السنن selon الديلمي. Il dit, je suis parti voir Ubay ibn Ka'b et je lui ai dit, il y a quelque chose en moi au sujet du qadar, quelque chose qui me dérange et qui me tracasse. Et donc ibn Daylami a donc dit à Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, de lui parler. De lui parler afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse dissiper ce qu'il a dans son cœur au sujet du destin. Et Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu lui a dit, si tu donnais en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or, Allah azza wa jal n'accepterait pas de toi cette aumône jusqu'à ce que tu aies la croyance au destin. Et jusqu'à ce que tu saches que ce qui t'a touché ne pouvait t'éviter, et ce qui t'a évité ne pouvait te toucher. Et si tu meurs sur autre que cela, tu feras alors partie des gens de l'enfer. Ibn Daylami a dit, je suis allé voir Abdullah ibn Mas'ud, ainsi que Hudayfa ibn al-Yaman, ainsi que Zayd ibn Thabit, et tous m'ont dit des paroles similaires à celles-ci du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique rapporté par Al-Hakim dans son sahih. قال الشيخ الفوزان حفظه الله التراجم ابن الديلمي وعبد الله بن فيروز الديلمي ثقة من كبار التابعين وأبوه فيروز قاتل الأسود العنسي الكذاب وفي المسند والسنن أي في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه في نفسي شيء من القدر أي شك واضطراب يؤدي إلى جحد لو أنفقت هذا تمثيل لا تحديد حتى تؤمن بالقدر أي بأن جميع الأمور كائنة بقضاء الله وقدره ولو مت على غير هذا أي على غير الإيمان بالقدر لكنت من أهل النار، أي لأنك جحدت ركنا من أركان الإيمان، ومن جحد واحدا منها فقد جحد جميعها. الجي حفظه الله لبيوغرافي notamment de ابن الديلمي كي عبد الله ابن فيروز الديلمي كي un digne de confiance, un rapporteur digne de confiance, qui fait partie des grands parmi les tabi'in. Et son père n'est autre que Fayrouz, celui qui a tué Al-Aswad Al-Ansi, le menteur. Quel était son mensonge ? Al-Aswad Al-Ansi, il fait partie de ceux qui ont prétendu la prophétie au temps du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Le plus connu est Musaylam al-Kadhab. Il y a aussi Al-Aswad al-Ansi qui lui aussi a prétendu la prophétie au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui l'a tué est Fayrouz. Dans les Musnad et les Sunan, c'est-à-dire dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans les Sunan de l'imam Abu Daoud et Ibn Majah. J'ai en moi une chose au sujet du destin, de la prédestination, c'est-à-dire j'ai un doute, une confusion qui peuvent amener à rejeter et à nier la prédestination. Et lorsque Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu lui a dit « Si tu donnais en aumône l'équivalent de Uhud en or, ceci est un exemple et ce n'est pas quelque chose de précis qu'il faut prendre à la lettre. » Mais lorsque Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu lui a dit cela, c'est pour montrer que si tu donnais en aumône quelque chose d'extrêmement valeureux, quelque chose d'extrêmement précieux, eh bien, cela ne serait accepté de toi si tu ne crois pas en la prédestination. Jusqu'à ce que tu crois en la prédestination, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu crois que toutes les choses qui existent et qui ont lieu par le décret et la prédestination d'Allah Azza wa Jal. Et si tu meurs sur autre que cela, c'est-à-dire si tu meurs en n'ayant pas la foi en la prédestination, tu feras alors partie des gens de l'enfer, car celui qui renie et celui qui ne croit pas en l'un des piliers de la foi a renié et a rejeté les autres piliers de la foi. De la même façon, celui qui ne croit pas en un prophète n'a pas cru en l'ensemble des prophètes. المعنى الإجمالي للأثر يخبر عبد الله ابن فيروز الديلمي أنه حدث في نفسه إشكال في أمر القدر فخشي أن يفضي به ذلك إلى جحوده فذهب يسأل أهل العلم من صحابة رسول الله لحل هذا الإشكال وهكذا ينبغي للمؤمن أن يسأل العلماء عما أشكل عليه عملا بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأفتاه هؤلاء العلماء كلهم بأنه لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر وأن من مات وهو لا يؤمن به كان من أهل النار. Le sens général de ce athar. Abdullah ibn Fayrouz al-Daylami rapporte et informe qu'il avait en lui une problématique au sujet de la prédestination. Et il avait peur que cette problématique, que ce doute, que cette confusion l'amène au fur et à mesure du temps à rejeter et à renier la prédestination. Il est alors parti demander aux gens de science parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de trouver une issue à ce problème et le résoudre. Et ainsi doit être le croyant. Il se doit de questionner les gens de science sur les problématiques qu'ils rencontrent, ceci en application de la parole d'Allah Azza wa Jal, et demander aux gens du rappel lorsque vous ne savez pas. Et ces savants, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous lui ont informé et ont répondu à sa question en disant de façon ferme qu'il devait obligatoirement croire en la prédestination et au décret d'Allah Azzawajal, et que celui qui meurt sans croire à la prédestination fera partie des gens de l'enfer. Et ceci est une preuve également que la résolution des problèmes liés aux doutes, liés aux ambiguïtés, réside dans la science. Et il n'y a que la science qui peut résoudre ces problèmes, et il n'y a que le fait de retourner aux savants pour trouver issue à ce problème. Et également, le fait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit Ubay ibn Ka'b, que ce soit Abdullah ibn Mas'ud, Hudayfa ibn al-Yaman et Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhum ajma'in, leur réponse était tous la même. Ceci prouve que la source de laquelle ils puisaient leur croyance, radiyallahu anhum, était unique, à savoir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le livre d'Allah azza wa jal. Munasabatu dhikri al-athari fi al-bab بيان أن الإيمان بالقدر أمر حتم وأنه هو الذي رواه الصحابة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما يستفاد من الأثر الوعيد الشديد على من لم يؤمن بالقدر سؤال العلماء عما أشكل من أمور اعتقاد من أمور الاعتقاد وغيره أن من وظيفة العلماء كشف الشبهات ونشر العلم بين الناس. Le contexte de ce athar dans ce chapitre, donc le chapitre de ce qui est rapporté sur ceux qui renient la prédestination. Le contexte est qu'il y a dans ce athar la preuve que de croire en la prédestination est une chose indispensable et que c'est ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté tous de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. On retient de ce athar trois choses. La première, la mise en garde sévère et la menace dure qui pèse sur celui qui ne croit pas en la prédestination. Deuxièmement, le fait de demander aux savants sur les problématiques liées à la croyance ou autre. Troisièmement, que parmi les fonctions des savants, il y a le fait de répondre aux ambiguïtés et de diffuser et de propager la science entre les gens. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في المصورين. Puis l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab رحمه الله entame le chapitre de ce qui est rapporté au sujet de ceux qui façonnent des images et de ceux qui font des représentations. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجاه. سنة أبو هريرة رضي الله عنه il dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit الله عز وجل a dit et qui donc est plus injuste que celui qui essaye d'imiter ma création, qu'il crée donc, ne serait-ce qu'une petite fourmi, une graine ou un grain d'orge. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Munasabatu hadha al-bab li kitab al-tawhid. Lamma kana at-taswir wasilatan, lamma kana at-taswir wasilatan wasilat ash-shirk al-mudad lit-tawhid. ناسب أن يعقد المؤلف هذا الباب لبيان تحريمه وما ورد فيه من الوعيد الشديد ما جاء في المصورين أي من الوعيد الشديد ومن أظلم أي لا أحد أظلم منه يخلق كخلقي أي لأن المصور يضاهي خلق الله، فليخلق أمر تعجيز وتحد وتهديد، ذرة هي النملة الصغيرة، أو ليخلق تعجيز آخر حبة، أي حبة حنطة فيها طعم وفيها طعم ومادة نبات وإنتاج، أو ليخلق تعجيز آخر شعيرة، نوع آخر من الحبوب. Le contexte de ce chapitre, de ce qui est rapporté au sujet de ceux qui font des représentations ou ceux qui représentent des images. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid, parce que le fait de faire des représentations imagées est un moyen qui amène au polythéisme, ce même polythéisme qui contredit le Tawhid, eh bien, l'auteur, rahimahullah, a jugé propice de réserver un chapitre sur ce sujet afin de montrer l'interdiction de cela et de citer ce qui est rapporté comme menace dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que les représentations imagées peuvent être un moyen qui amène au polythéisme, comme cela a été le cas pour le peuple de Nuh, alayhi salam, et également comme cela a été le cas, entre autres, pour le peuple de Ibrahim, alayhi salam. Nuh, alayhi salam, car c'était au début des personnes pieuses, c'était des personnes pieuses. Lorsqu'elles sont mortes, le diable leur a embelli le fait de faire des représentations, puis ensuite de faire des statues. Et au fur et à mesure des générations, eh bien, ces représentations et ces statues qui, au début, avaient été faites pour se rappeler ces personnes pieuses et vertueuses, se sont transformées en divinités qui ont été adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, le peuple d'Ibrahim alayhi salam ont également adoré des statues et des idoles, comme cela est connu dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Ce qui est rapporté concernant al-musawwirin, ceux qui façonnent des images, c'est-à-dire ce qui est rapporté comme menace gravissime. وَمَنْ أَظْلَمُ, qui est donc plus injuste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus injuste que lui. Dans le hadith Qudsi, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « Et qui est plus injuste ?» c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus injuste que lui. Que celui qui essaye d'imiter ma création. يَخْلُقُ كَخَلْقِ. Car ceux qui font des représentations imite la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il y a al-musawwir. Il y a al-musawwir, celui qui façonne. Et donc, celui qui fait des représentations d'êtres vivants imite Allah Azza wa Jal dans une chose qui lui est propre, subhanahu wa ta'ala. فَلْيَخْلُقُ. Qu'il crée donc. Ceci est un ordre qui est un ordre pour montrer l'incapacité, pour défier et pour menacer. Qu'il crée donc. Comme lorsque tu menaces quelqu'un, quand tu as une altercation avec quelqu'un et tu lui dis, vas-y, tape-moi. Ça veut dire quoi, tape-moi? Ça veut dire tape-moi ou ça veut dire essaye si tu en es capable et découle de cela que si tu me tapes, eh bien, il y aura des conséquences derrière et tu risques de le regretter. Donc, ici, dans ce hadith Qudsi, Allah Azza wa Jalla dit qu'il crée donc. C'est un ordre pour montrer l'incapacité qu'ils sont incapables de créer. C'est un ordre pour défier. Et ce défi est présent jusqu'au jour dernier. Et c'est également une menace. Car celui qui essaierait de faire cela, eh bien, en subirait les conséquences graves. فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً. Ici, Cheikh Al-Fawzan dit النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ. C'est une minuscule fourmi. أَوْ لِيَخْلُقُوا. Qu'il crée donc, ne serait-ce qu'une petite fourmi. Ou qu'il crée une graine. Ou qu'il crée un grain d'orge. Et ici, les savants ont dit qu'Allah Azza wa Jal a tout d'abord commencé par citer un être vivant, qu'il crée ne serait-ce qu'une petite fourmi, qui est un être vivant. Et cela est impossible. Puis Allah Azza wa Jal, pour montrer leur incapacité, que leur incapacité à créer est avérée, non seulement ils ne sont pas capables de créer un être vivant, mais ils ne sont pas capables aussi de créer un être inerte, comme un grain d'orge. Est-ce qu'un grain d'orge est vivant lorsqu'il est retiré? Non, il est inerte. ثم قال حفظه الله المعنى الإجمالي للحديث. يروي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل أنه يقول لا أحد أشد ظلما ممن يصور الصور على شكل خلق الله، لأنه بذلك يحاول مشابهة الله في فعله، ثم يتحداه الله عز وجل ويبين عجزه عن أن يخلق أصغر شيء من مخلوقاته وهو الذرة، بل هو عاجز عن أن يخلق ما هو أدنى من ذلك وهو الجماد الصغير، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك كله، لأن الله هو المتفرد بالخلق. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte de son Seigneur subhanahu wa ta'ala qu'il dit. Donc c'est un hadith Qudsi. C'est donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il n'y a pas plus injuste que celui qui fait des représentations d'êtres ressemblant à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en faisant cela, en faisant ces représentations imagées, eh bien, et on verra par la suite que c'est les représentations imagées d'êtres qui ont une âme, car en faisant cela, il essaye de ressembler à Allah Azza wa Jal dans ses actes. Puis Allah Azza wa Jal le défie et montre son incapacité à créer l'une des plus petites créatures d'Allah Azza wa Jal qui est Al-Dharra. Puis Allah Azza wa Jal montre son incapacité, l'incapacité de l'être humain à créer ce qu'il y a encore plus simple, à savoir une chose inerte de petite taille. Et malgré cela, ils n'ont pas la capacité de créer tout ceci. Ni un être vivant qui fait partie des créatures les plus petites, ni même un être inerte de petite taille, comme les grains notamment. Car Allah Azza wa Jal est le seul et unique créateur, subhanahu wa ta'ala. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. مناسبة ذكر هذا الحديث في الباب أنه يدل على تحريم التصوير وأنه من أظلم الظلم. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, ce hadith prouve l'interdiction de faire des représentations et que cela, de façonner des images et que cela fait partie de la plus grande injustice. ما يستفاد من الحديث تحريم التصوير وبأي وسيلة وجد وأن المصور من أظلم الظالمين وصف الله أنه يتكلم أن التصوير مضاهاة لخلق الله ومحاولة لمشاركته في الخلق أن القدرة على الخلق من خصائص الله سبحانه وتعالى. On retient de ce hadith quatre choses. La première, l'interdiction de façonner des images, quel que soit le moyen utilisé pour cela, et que celui qui fait des représentations fait partie des plus injustes des injustes. Deuxièmement, l'attribut d'Allah Azza wa Jalla de la parole, car ici c'est un hadith Qudusi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a dit ». Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah a dit, c'est qu'Allah Azza wa Jalla parle. Troisièmement, que le fait de faire des représentations imagées est une imitation à la création d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est une tentative pour s'associer à Allah Azza wa Jalla dans sa création. Quatrièmement, que la capacité et le pouvoir de créer est une particularité d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. ثم قال رحمه الله ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. Puis l'imam Mohamed ibn Abd al-Wahhab رحمه الله dit et selon eux, c'est-à-dire selon Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha رضي الله عنها, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jour de la résurrection, le châtiment le plus douloureux sera réservé à ceux qui auront tenté d'imiter la création d'Allah. » قال الشيخ الفوزان ولهما أي البخاري ومسلم يضاهئون بخلق الله أي يشابهون بما يصنعونه ما يصنعه الله. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم خبرا معناه النهي والزجر أن المصورين أشد الناس عذابا في الدار الآخرة لأنهم أقدموا على جريمة شنعاء وهي صناعتهم ما يشابه لخلق الله في صناعة الصور. Selon eux, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, ils imitent la création d'Allah, c'est-à-dire en faisant ces représentations, eh bien, ils ressemblent et ils imitent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même créé. Le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe l'interdiction et nous montre la gravité de ceux qui font des représentations imagées, et que le jour et que dans l'au-delà, ils feront partie des gens qui subiront le plus douloureux châtiment, car ils ont commis une grave chose en façonnant et en représentant ce qui ressemble à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul hadith lilbab annahu yadullu ala shiddati 'uqubati al-musawwirin mimma yufidu anna at-taswira jarimatun kubra. Ma yustafadu min al-hadith tahrim at-taswir bi jami'i ashkalihi wa bi ayyi wasilatin wujid wa annahu mudahatun li khalqillah. ثانيا أن العذاب يوم القيامة يتفاوت بحسب الجرائم. ثالثا أن التصوير من أعظم الذنوب وأنه من الكبائر. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, ce hadith prouve la dureté du châtiment que subiront les musawwirin, ceux qui font des représentations imagées, c'est-à-dire d'êtres qui ont une âme. Ce qui montre et ce qui prouve que le fait de faire ces représentations est un immense crime. Ce que l'on retient de ce hadith, premièrement, l'interdiction de faire des représentations, quelle que soit la forme de ces représentations et quel que soit le moyen qui est utilisé, et que cela est une imitation de la création d'Allah. Deuxièmement, que le châtiment, le jour du jugement, diffère en fonction de la gravité du péché qui est commis. Plus le péché est grand et plus le châtiment est douloureux. Non. Donc, deuxièmement, que le châtiment, le jour du jugement, est proportionnel à la gravité du péché commis dans cette vie d'ici-bas. Troisièmement, que le fait de faire des représentations fait partie des plus grands péchés et que cela fait partie des tsunam. Que le fait de faire des représentations fait partie des immenses péchés et qu'il fait partie des grands péchés. Il fait partie des grands péchés, al-kaba'ir. Car parmi la définition de al-kaba'ir, ce sont des péchés dont découle un châtiment dans l'au-delà ou une sentence dans cette vie d'ici-bas. Or, ici, le professeur Asselem nous cite clairement que ceux qui font des représentations imagées subiront et feront même partie de ceux qui subissent le châtiment le plus douloureux dans l'au-delà, wa l'ayyadu billah. ثم قال المؤلف رحمه الله ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. Et sont le « eux » selon « eux », c'est-à-dire Al-Bukhari, Muslim, toujours. Selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit « J'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Kullu musawwirin finnar »« Tout façonneur d'image est en enfer. » À chaque image correspondra une âme qui le châtira en enfer. Et toujours selon Al-Bukhari et Muslim dans une autre version, toujours selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque façonne une image ici-bas, eh bien, on lui donnera l'ordre d'y insuffler la vie, mais il ne le pourra pas. » قال الشيخ الفوزان كل مصور أي لذي روح في النار لتعاطيه ما يشبه من فرد الله به من الخلق والاختراع يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها الباء بمعنى في أي يجعل له في كل صورة روح تعذبه نفس الصورة التي جعلت فيها الروح. Il dit, hafidhahullah, tout façonneur d'image, c'est-à-dire d'une image qui a une âme. Naam, tada. Finnar est en enfer, car il a imité une chose qui est propre à Allah Azza wa Jal, à savoir la création et l'innovation. يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها. À chaque image, l'on mettra une âme qui le châtira en enfer. Al-ba ici, Cheikh Al-Fawzan dit bima'na fi. C'est-à-dire que dans chacune des images que ce façonneur aura fait, aura représenté, Allah Azza wa Jal y placera une âme. Et cette image, cette représentation dans laquelle Allah Azza wa Jal placera une âme, eh bien, châtiera cette personne en enfer. Châtiera cette personne en enfer. المعنى الإجمالي للحديث. Le sens général de ce hadith. يخبر صلى الله عليه وسلم أن ما آل المصورين يوم القيامة إلى النار يعذبون فيها بأشد العذاب بأن تحضر جميع الصور التي صوروها في الدنيا فيجعل في كل صورة منها روح ثم تسلط عليه بالعذاب في نار جهنم فيعذب بما صنعت يداه والعياذ بالله ومن تعذيبه أيضا أن يكلف ما لا يطيق ما لا يطيق وهو نفخ الروح في الصورة التي صورها. Le sens général de ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم nous informe du devenir et de la destination de ceux qui font des représentations d'images ayant une âme. Et que leur destination le jour du jugement sera l'enfer. Ils y seront châtiés d'une façon dure, de telle sorte que l'ensemble des représentations qu'ils auront faites dans cette vie d'ici-bas seront présentes. Et dans chacune de ces représentations, Allah Azza wa Jal placera une âme. Et cette image qui aura donc une âme, qui sera donc vivante, châtiera cette personne dans le feu de l'enfer. Elle sera donc châtiée parce que ses mains ont fait qu'Allah nous en préserve. Et parmi également les formes de châtiment que subira cette personne, ce musawwir, le fait qu'on lui imposera une chose dont il est incapable, à savoir d'insuffler l'âme dans tout ce qu'il a représenté comme image. Et ceci est une forme de châtiment car on lui demandera de le faire, il ne pourra pas. Il subira donc le châtiment de l'enfer. Et les savants disent que cela prouve que cette personne subira un châtiment long et durable. Car à chaque fois, on lui demandera d'insuffler une âme dans ce qu'il a représenté et il en sera incapable. Et ainsi de suite, concernant l'ensemble des images qu'il aura façonnées et représentées. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم التصوير ووعيد المصورين. ما يستفاد من الحديث تحريم التصوير وأنه من الكبائر. تحريم ثانيا تحريم التصوير بجميع أنواعه تماثيل أو نقوش. وسواء كان رسما باليد أو التقاطا بآلات التصوير الفوتوغرافية إن كانت الصورة من ذوات الأرواح إلا ما دعت إليه الضرورة ثالثا تحريم التصوير لأي غرض كان إلا لدفع ضرورة رابعا في الرواية الأخيرة دليل على طول تعذيب المصورين وإظهار عجزهم خامسا فيها أن الخلق ونفخ الروح لا يقدر عليهما إلا الله إلا الله تعالى. Donc il dit حفظه الله تعالى le contexte de ce hadith dans ce chapitre. donc dans le chapitre de ce qui est rapporté au sujet de ceux qui font des représentations. Le contexte est que dans ce hadith, il y a une preuve de l'interdiction de faire des représentations imagées et le châtiment et la menace qu'encourent ceux qui le font. On retient de ce hadith 5 choses. La première, l'interdiction de faire des représentations d'images de créatures qui ont une âme. Deuxièmement, l'interdiction de faire des représentations, quelle que soit la forme de ces représentations, que ce soit des dessins ou des sculptures. Que ce soit des dessins ou des sculptures. Des dessins, c'est-à-dire que tu dessines des créatures qui ont une âme, que ce soit sur une feuille, ou que ce soit sur une planche, ou que ce soit sur un mur ou tout autre support. Aounokouch, ou sculpture, que ce soit une pierre sculptée, ou que ce soit du bois, ou toute autre matière première qui est utilisée dans le domaine de la sculpture. Que ceci, c'est-à-dire que ces représentations soient faites à l'aide des mains, que ce soit dessiné par les mains, ou que ces images soient issues d'appareils photographiques, lorsque ceci concerne des êtres qui ont une âme, sauf en cas de force majeure. إلا ما دعت إليه الضرورة. Sauf en cas de force majeure. نعم. En cas de force majeure, comme par exemple les photos d'identité pour les titres d'identité, que ce soit la carte d'identité ou que ce soit le passeport ou tout ce dont la personne a besoin essentiellement, et c'est un besoin essentiel dans sa vie de tous les jours. Il y a donc différence entre Ad-Daroura et Al-Haja. Il ne faut pas mélanger et confondre le cas de force majeure et la nécessité. La nécessité n'est pas un cas de force majeure. Quand on parle de cas de force majeure, ce sont des cas où l'on parle de vie et de mort, ou lorsque l'on parle de danger, etc. Nécessité, c'est lorsqu'il y a un besoin qui n'est pas forcément un cas de force majeure. Et donc ici, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, précise les différentes formes de représentation, que ce soit un dessin ou que ce soit une sculpture, que ce soit représenté par la main, fait par la main, ou que ce soit représenté via un appareil photographique, quel que soit cet appareil photographique, que ce soit un appareil photo ou que ce soit tout autre moyen qui existe. Pour cela que dans les hadiths précédents, Cheikh dit Wabikulli, pour citer exactement ce qu'il a dit, on pourrait citer le terme exact. وبأي وسيلة وجد, quel que soit le moyen présent. Donc on parle aujourd'hui d'appareils photographiques, peut-être que dans 30 ans, 40 ans, ce sera un autre moyen qui permettra d'avoir le même résultat. Donc, quel que soit le moyen utilisé, lorsque les images représentent des êtres qui ont une âme. Et dans son autre explication de Kitab al-Tawhid, Cheikh al-Fawzan, Hafidhahullah ta'ala, dit ceci, car celui qui fait une représentation avec un appareil photographique, est-ce qu'on l'appelle Moussawir ou non? En arabe, c'est un Moussawir ou c'est pas un Moussawir? C'est un Moussawir. Et l'acte qu'il a fait, est-ce que c'est un Taswir ou c'est pas un Taswir? C'est un Taswir ou c'est pas un Taswir? C'est un Taswir. Il a fait une représentation. Tu prends un être humain en photo avec un appareil photo, d'accord? Donc toi, tu es considéré comme un photographe et l'acte que tu as fait, c'est prendre en photo, faire une représentation imagée. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, est extrêmement ferme sur ce point en disant: qu'est-ce qui fait donc sortir cette personne de ce hadith? Le professeur Assam dit « Kullu musawwirin finnar » « Tout façonneur d'image est en enfer. » Donc ici, cela concerne tous les musawwirin. Celui qui prend en photo un être vivant avec un appareil photo, il est considéré comme musawwir et il a fait... Et l'acte qu'il a fait est un taswir. Il entre donc dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous l'avez vu, les hadiths sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit: qu'est-ce qui fait donc sortir cette personne de ce hadith? Qu'est-ce qui le fait sortir de ce hadith? La darura, c'est une exception. D'accord? Mais ici, Cheikh Al-Fawzan, hafidhullah, répond à ceux qui disent que celui qui fait une représentation à l'aide d'un appareil photo, qu'il ne rentre pas dans ce hadith. Et il leur répond, hafidhullah, en disant: quelle est la chose qui fait en sorte que c'est une exception et que cette personne n'est pas concernée par ce hadith? Rien. Si ce n'est, et Cheikh Al-Fawzan dit, si ce n'est des paroles, il a cité même le terme falsafa, yani des paroles, des avis. Ce sont des paroles et des avis. Et la règle connue dans Usul al-Fiqh, c'est que une parole générale ne peut être restreinte que par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut un hadith qui vient spécifier un hadith général. On ne spécifie pas un hadith général par des avis, mais par des textes. Et donc, Cheikh Al-Fawzan dit que celui qui fait des représentations à l'aide d'un appareil photographique, eh bien, entre dans ce hadith. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, n'est pas le seul à dire cela. Cheikh Al-Albani également. Il dit même que de représenter et de prendre en photo est plus grave que de faire un dessin. Ceux qui font des portraits, par exemple, il va faire un portrait, tu vas reconnaître le visage, tu vas savoir que c'est le visage d'un tel. Mais lorsque tu prends une photo, tu ne vas pas seulement le reconnaître, c'est exactement la même tête. C'est la même couleur, c'est exactement la copie conforme de la personne. Donc celui qui a dessiné un visage qui ressemble approximativement, celui qui a pris une photo, eh bien, la photo qu'il a prise ne ressemble pas approximativement, mais elle ressemble exactement. Et Cheikh Al-Albani dit donc, son acte est plus grave que celui qui a dessiné, car il a plus imité la création d'Allah que celui qui a dessiné avec sa main. C'est aussi l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. C'est donc un sujet où il y a des hadiths clairs, des hadiths généraux, des hadiths authentiques, et le musulman ne doit pas laisser de côté ces hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses explications des savants reconnus par leur science et par leur piété. Un musulman ne doit en aucun cas délaisser toute cette certitude et suivre la masse des gens. Suivre la masse des gens pour qui maintenant prendre en photo est une chose banale. Ça s'est banalisé. Il y a des appareils photo dans tous les téléphones, quasiment. Et prendre en photo un tel et un tel, c'est devenu une banalité. Et lorsque l'on parle des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des paroles des savants, on passe presque pour des marginaux et pour des personnes qui vivent dans un autre temps, et que ces paroles ne sont plus d'actualité, et que ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'applique pas, etc., etc. Le musulman doit faire preuve de fermeté. Et lorsque l'on prend connaissance d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque l'on lit les explications des savants, qu'est-ce qu'on attend de plus? Est-ce qu'on va courir derrière les dérogations et suivre l'avis de tel et tel savant parce que c'est l'avis qui correspond le mieux à l'époque dans laquelle l'on vit? Est-ce que l'on suit un savant, l'avis d'un savant, pour que cela soit conforme à nos passions, ou est-ce que l'on suit la parole d'un savant parce que c'est la vérité? C'est la vérité. Les savants font des erreurs. Ce sont des êtres humains. Et le musulman se doit de rechercher la vérité, même lorsqu'elle est amère, même lorsqu'elle va à l'encontre de ses envies, et même si elle va à l'encontre de ce que la quasi-majorité des gens autour de lui font. وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu suis la plupart des gens sur terre, ils te dévieront du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, rahimahullah, hafidhahullah, l'interdiction, troisièmement, l'interdiction de faire des représentations d'images quelle que soit la raison, sauf lorsque c'est un cas de force majeure. Rabi'an, quatrièmement, dans la deuxième version du hadith, il y a une preuve que le châtiment de ceux qui façonnent des images et représentent des images sera long. Car, comme on l'a dit tout à l'heure, Allah Azza wa Jalla leur demandera d'insuffler l'âme sur leur représentation et ils ne pourront pas, et ainsi de suite, ils subiront le châtiment. Cinquièmement, que la création et l'insufflation de l'âme, seul Allah subhanahu wa ta'ala en a la capacité. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك